Bien, nous abordons ce soir un des grands thèmes de l'évangile de Matthieu, la question du royaume. Plus que tous les autres évangiles, au centre de l'évangile de Matthieu, il y a la notion du royaume. Le royaume était le thème central de la prédication de Jésus. Et c'était un royaume qui était au centre de sa préoccupation. Et quelqu'un a pu dire, cette boutade humoristique, Jésus prêchait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Bon, on va commencer justement ici à lire un texte dans le chapitre 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc l'évangile de Matthieu, par excellence, est l'évangile du royaume. On retrouve cette notion, bien sûr, dans les autres évangiles également. Mais ici, il y a une particularité chez Matthieu. C'est que Matthieu emploie toujours l'expression « royaume des cieux » et, contrairement aux autres évangiles, jamais royaume de Dieu. D'aucuns ont cru que l'on pouvait faire une différence entre royaume des cieux et royaume de Dieu. En réalité, il n'en est rien. Il s'agit d'une seule et même réalité. Tout simplement parce que, comme nous avons eu l'occasion de voir, l'évangile de Matthieu s'adresse essentiellement à un public juif. Or, les juifs ont une coutume, jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas violer le commandement qui dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » On ne prononce jamais le nom de Dieu. Et les autres évangiles qui étaient écrits pour des païens pouvaient se permettre d'employer cette expression « royaume de Dieu ». Mais Matthieu, lui, emploie justement, comme les Juifs, l'expression « royaume des cieux ». Quand on rencontre dans la lecture publique le nom de Dieu dans la Bible, on le remplace par différents synonymes. Par exemple, le plus courant, c'est Adonai, ça veut dire le Seigneur. C'est ce qu'on trouve, par exemple, dans le Nouveau Testament, comme dans la Bible grecque, la Bible des Septante, où le nom de Dieu, le tétragramme, est systématiquement remplacé par le mot grec « kurios », qui signifie « le Seigneur ». Une autre manière de rendre le nom de Dieu, c'était « Hachem », le nom, tout simplement. Et quand aujourd'hui on demande à quelqu'un « comment ça va ?», répond « Baruch Hachem, béni soit le nom ». Ça va, béni soit le nom. Et puis, il y avait une autre manière d'exprimer cela, c'était « Hashamayim », le ciel. Le royaume du ciel ou le royaume des cieux. Mais c'est un équivalent de royaume de Dieu. Ça veut dire que c'est le royaume de Dieu. On va voir ce que ça représente concrètement tout à l'heure, que cette notion du royaume de Dieu. Mais je voudrais aussi évoquer une autre raison pour laquelle Matthieu emploie l'expression « royaume des cieux » et non pas « royaume de Dieu ». Il y avait, à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, un mouvement extrêmement dangereux, qui était le mouvement Zélote, qui était un mouvement révolutionnaire violent. Les Zélotes étaient un mouvement qui était né au moment où Jésus était né, au moment du recensement de Quirinus dont il est question dans l'évangile de Luc, et c'était un mouvement qui refusait l'impôt qui était prévu pour le recensement à l'empereur. Ça veut dire qu'il refusait tout simplement d'être assujetti à l'empereur. Et Judas le Galiléen, dont il est question dans le livre des Actes d'ailleurs, dans le discours de Gamaliel, Judas le Galiléen était le fondateur de ce mouvement zélote, pensait que être soumis à un roi humain, et qui épousé un roi aussi perverti et aussi corrompu que l'était l'empereur de Rome, qui avait eu l'audace de se proclamer lui-même Dieu de son vivant, et ça pour les Juifs c'était la pire abomination à laquelle on pouvait rêver, qu'un homme puisse se diviniser de son vivant, c'était inacceptable, intolérable pour un Juif. Comment un Juif pouvait-il être soumis à un tel personnage? Et ce faisant, les Zélotes pensaient qu'il fallait se révolter contre César, contre Rome, et ainsi, obtenir de Dieu l'envoi du Messie. Aussi longtemps que Israël accepterait le joug de Rome, Dieu ne pourrait pas le secourir. À partir du moment où il secourait le joug romain, alors à ce moment-là, Dieu interviendrait. Le parallèle, disons, le modèle plus exactement que les Zélotes avaient en esprit à cette époque-là, c'était l'époque des Maccabées. L'époque où aussi un roi du même type que César, Antiochus IV Épiphane, avait aboli le culte de Jérusalem, avait voulu intégrer la Judée dans le monde hellénistique, dans le monde grec, et donc à cette apostasie, cette abomination, où le temple avait été souillé par des idoles païennes, l'idole du roi en particulier, qui s'était fait lui-même proclamer Dieu, et sa statue sous forme de Zeus olympien avait été placée dans le temple, cela avait provoqué une révolte. La révolte des chassidim. Chassidim, ça veut dire les justes, les fidèles, les pieux, etc. Les gens qui, et c'était le slogan qui avait été lancé par le promoteur de la révolte, qui était un prêtre de la maison de Hashmonaï, qui s'appelait Matathias, un vieux prêtre, qui avait dit ceci, « Que ceux qui ont du zèle pour Dieu et pour la Torah me suivent. » Et donc, une révolte avait éclaté, ou comme on le dit dans cette fête qui va être célébrée cette année le 2 décembre, dans le monde juif, le petit nombre a triomphé des nombreux, d'une manière absolument incompréhensible, et on pourrait dire miraculeuse. Les petites forces juives, les petites forces de ces chassidim, ont eu raison de la plus puissante armée de l'époque, du monde de l'époque, de l'armée donc séleucide. Et au bout de plusieurs années de lutte, la Judée, non seulement a retrouvé sa particularité religieuse, le temple a été purifié et rétabli, mais également son indépendance. Et les Zélotes, qui tiraient leur nom justement de cette expression « que ceux qui ont du zèle pour la Torah me suivent », étaient conscients et pensaient, avec raison à mon sens, que ce qui s'était passé à cette période des Asmonéens était une série de miracles divins. Donc on se disait, si Dieu, en son temps, a fait ces miracles pour nos pères, pourquoi ne le ferait-il pas de nouveau pour nous aujourd'hui? Après tout, César n'est pas plus redoutable que l'était Antiochus Épiphane. Par conséquent, si nous nous révoltons comme nos pères se sont révoltés, alors Dieu enverra les mêmes miracles et nous délivrera du joug romain. Et ça sera l'instauration du royaume de Dieu. Et l'expression « royaume de Dieu » était une expression zélante. Et c'est une des raisons, c'est aussi une des principales raisons pour lesquelles Matthieu ne l'emploie pas. Voilà. Parce que Jésus était très anti-zélante. Jésus était opposé à fond à l'idéologie des Zélotes. Et il estimait que cette révolte qui coulait dans le peuple d'Israël à cette époque-là serait quelque chose d'absolument suicidaire. Et que par conséquent, il était extrêmement dangereux d'entrer dans cette perspective-là. Et vous vous souvenez aussi de cette parole qu'il a prononcée le jour des rameaux, quand il est entré dans Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile, mais vous ne l'avez pas voulu. À cause de cela, eh bien, votre maison, votre temple sera réduit en ruine. Jésus est conscient que les zélotes, par leur esprit révolutionnaire, conduisent le peuple dans une impasse et dans un désastre. Et Jésus aurait voulu éviter ce désastre par son message d'amour. Et l'idéologie zélote, effectivement, a eu ce résultat. Et la grande révolte contre les Romains de 66 après Jésus-Christ, 66 à 70, a été déclenchée par les zélotes. Et comme Jésus l'avait prévu, eh bien, cela s'est terminé par une catastrophe, la destruction du temple, la ruine de Jérusalem et la dispersion du peuple. Jésus aurait voulu éviter cette catastrophe. Et Jésus avait une autre conception du royaume qui était fondamentalement différente de celle des zélotes. Remarquons ici, faisons une petite parenthèse, que cette idéologie zélote, on la retrouve dans tous les mouvements qui sont issus du monothéisme. Les zélotes, on l'a vu, c'est produit. On retrouve ça dans l'islam. L'islam est une religion zélote, c'est-à-dire une religion qui pense qu'il faut établir le royaume de Dieu par la force, par les armes, par le glaive, comme le dit la devise de l'islam, Dar el-Islam, Bissa'ef, ça veut dire le règne de l'islam, le royaume de l'islam, le royaume de Dieu se répand par l'épée. Et c'est justement la notion du djihad avec laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. C'est effectivement quelque chose qui est une idéologie zélote. On retrouve ça aussi dans l'Église. Il y a eu les croisades, étaient aussi une forme de zélotisme. L'idée du Saint-Empire germain, du Saint-Empire romain germanique était aussi basée sur une notion du zélotisme. Ça a commencé avec Charlemagne et le royaume chrétien donc d'Occident. On retrouve ça dans les religions laïques modernes. C'était l'idée qu'avait Hitler, c'était l'idée qu'avait Marx, et on retrouve ça, évidemment, dans tous les mouvements révolutionnaires, quels qu'ils soient. Maintenant, notons que les zélotes n'étaient pas des révolutionnaires, comment dirais-je, laïcs, patriotes. C'est l'historien juif, Rabbi Joseph, qui veut nous les présenter de cette manière-là, parce qu'il écrit pour des Romains qui n'ont pas véritablement la notion de ce qu'est la religion juive. Mais en fait, les zélotes n'étaient pas motivés par un idéal de liberté, d'indépendance, etc., mais par une ferveur religieuse. Il s'agissait justement d'établir le royaume de Dieu. Jésus était contre cela, et en cela, il rejoignit jusqu'à un certain point les pharisiens. Les pharisiens aussi étaient anti-zélotes. Et les pharisiens étaient, comme les zélotes, parfaitement conscients que la situation d'Israël, esclave de Rome, était une situation qui était anormale. Et ils considéraient, comme les zélotes, que cette situation était en réalité un châtiment de Dieu. Mais la solution pour eux était totalement différente de celle des zélotes. Il n'était pas question de se révolter contre Rome par l'épée, mais simplement, si effectivement l'occupation romaine était un châtiment pour les péchés d'Israël, la solution c'était de se repentir. De se repentir et de respecter, de revenir à la Torah. Et les pharisiens avaient une notion du royaume qui était tout à fait différente de celle des zélotes. C'est-à-dire que, comme Jésus le dira aussi, le royaume, il est finalement indépendant d'une situation politique donnée. Et le joug romain quelque pénible qu'il soit, eh bien, n'empêche pas les justes, les chassidim, eh bien, de connaître déjà le royaume. Qu'est-ce que c'est finalement que le royaume pour les pharisiens? Le royaume, c'est la souveraineté de Dieu, et la souveraineté de Dieu en particulier sur Israël. Et ça veut dire que si Israël accepte la volonté de Dieu, Dieu règne sur Israël, et de cette manière-là, le royaume de Dieu est là. La volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la Torah. Par conséquent, ce qui est important pour que vienne le royaume, c'est de se soumettre à la Torah. Et l'expression qu'employaient les pharisiens était la suivante, il faut prendre le joug de la Torah, c'est-à-dire en prenant le joug de la Torah, on prend sur soi le joug du royaume de Dieu. C'est pourquoi la Torah était centrale chez les pharisiens, et elle était absolument indissociable du mouvement de repentance qu'il préconisait. Si Israël se repent, il faut qu'il revienne à la Torah. Il faut qu'il se soumette à la Torah dans les plus petits détails. Et c'est pourquoi les pharisiens étaient si attachés à ces petits détails que Jésus contestera, ça on en aura l'occasion de le voir. Mais il faut comprendre ce qu'était leur vision des choses. Plus vite le peuple d'Israël se soumettra à la Torah, et plus vite le royaume de Dieu viendra. En cela, ils reprenaient aussi le message des prophètes, et les prophètes, en effet, avaient annoncé que ce n'est que lorsque le peuple d'Israël reviendrait à son Dieu que le Messie viendrait. Par conséquent, pour hâter la venue du Messie, il n'était pas question, comme les Zélotes, d'employer l'épée pour chasser les Romains et de créer un royaume, finalement, qui serait un royaume humain. Qu'est-ce que viendrait faire le Messie à partir du moment où le royaume est établi sur la terre? Finalement, c'est un peu le problème aussi de l'islam. L'islam parvient à établir le dar et l'islam, le règne de l'islam sur le monde entier, donc bismillah, comme on dit en arabe, c'est-à-dire au nom d'Allah, finalement, Allah, il est finalement un prétenant. On n'a pas besoin de lui. On est assez grand nous-mêmes pour établir le royaume d'Allah sur la terre. Et les pharisiens disent, ça c'est pas la solution. La solution, c'est de répondre au message des prophètes, à savoir se repentir, respecter le plus scrupuleusement possible la Torah du Seigneur, et à ce moment-là, Dieu verra ces bonnes dispositions du peuple d'Israël, il enverra la rédemption et il enverra le Messie. Cette idéologie était grosso modo justement celle de Jésus. Et c'est pourquoi les pharisiens et Jésus employaient l'expression « royaume des cieux » et non pas « royaume de Dieu ». D'abord, pour ne pas être confondus avec les Zélotes, qui avaient donc cette idée révolutionnaire violente, mais aussi pour montrer que ce royaume que l'on attendait n'était pas l'œuvre des hommes, n'était pas quelque chose qui serait réalisé par les efforts des hommes, mais serait un don de Dieu, descendrait du ciel. Le royaume, il vient non pas d'en bas, mais il vient d'en haut, il vient du ciel, c'est-à-dire il vient de Dieu. Donc, Matthieu est absolument dans cette vision-là, et c'est la raison pour laquelle, nous l'avons vu, il emploie toujours l'expression « royaume des cieux » et jamais « royaume de Dieu ». Bien, ceci dit, qu'est-ce que le peuple juif entendait quand il parlait du royaume? Alors là, il nous faudrait remonter au livre de l'Exode, au moment du passage de la mer Rouge. Exode chapitre 15. Et lorsque ce grand miracle a eu lieu, c'est un miracle d'autant plus extraordinaire que dans la Bible, la mer, c'est quelque chose de négatif. La mer, c'est la mort, c'est l'enfer, c'est le Sheol, c'est les puissances des ténèbres, etc. Et au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre était entièrement recouverte d'eau, on le sait, et pour que la vie triomphe de la mort et puisse pulluler sur la terre, avec les plantes, les animaux et l'homme, il a fallu que Dieu dompte la mer et la réduise, n'est-ce pas, à un endroit où elle ne pouvait plus sortir. Et la souveraineté de Dieu, au moment de la création, s'est manifestée lorsque, comme le dira le prophète Isaïe, il a dit à la mer, « Eh bien, tu t'arrêteras là, là s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » En divisant la mer Rouge et en permettant au peuple d'Israël de passer, Dieu renouvelle en quelque sorte ce qu'a été le miracle de la création. Et ce miracle de la traversée de la mer Rouge est un nouvel acte de la création de Dieu. Et lorsque le peuple d'Israël se retrouve sain et sauf de l'autre côté de la mer Rouge, il va chanter ce qu'on appelle le cantique de la mer, ce que l'Apocalypse appelle le cantique de Moïse. Et ce cantique de Moïse, ou ce cantique de la mer, qui glorifie le miracle qui vient de se réaliser, se termine de la manière suivante. L'Éternel régnera d'éternité en éternité. Et ce chapitre 15 du livre de l'Exode est le premier endroit dans la Bible où il est question du règne ou du royaume de Dieu. Règne, royaume, que ce soit en hébreu, malchut, ou que ce soit en grec, c'est exactement la même chose, n'est-ce pas? C'est règne ou royaume. Et le cantique de la mer nous dit ceci. Les nations l'apprennent et elles tremblent. Ils sont cités un certain nombre de peuples, justement, qui vont entendre parler de ce miracle. Et ce faisant, cette royauté de Dieu, qui existe depuis la création, et le miracle de la mer Rouge ne l'a pas instauré, cette royauté de Dieu, elle existait déjà bien avant. Mais que ce soit pour le peuple d'Israël, ou que ce soit pour les nations qui entendent parler de ce miracle, le règne de Dieu, le royaume de Dieu est manifesté. Et les nations, et c'est repris dans les psaumes, les nations savent que l'Éternel règne. On a un texte un peu semblable dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 38 et 39, avec le récit de la guerre de Gog, qui est directement inspiré de cet épisode de la traversée de la mer Rouge, et qui se termine de la manière suivante. Après la destruction des armées de Gog, les nations, dit le prophète, sauront que je suis l'Éternel. Ça veut dire, elles reconnaîtront le règne de Dieu, elles reconnaîtront que l'Éternel règne. Et par conséquent, le règne de Dieu, c'est cette manifestation de la souveraineté de Dieu qui existe déjà, dès à présent, mais qui sera tellement manifeste que personne ne pourra la nier et personne ne la refusera au temps de la fin. Maintenant, c'est aussi dans l'évangile de Matthieu que nous retrouvons une autre définition de ce qu'est le royaume. C'est dans la prière du Notre Père. On trouve dans le sermon sur la montagne. Et là donc, la prière du Notre Père est typiquement une prière juive. J'ai écrit un petit opuscule sur cette question-là. Et comme les prières juives, par exemple comme les psaumes, les demandes vont toujours deux par deux. C'est une des caractéristiques de la poésie juive. La poésie juive n'est pas comme la nôtre, faite de vers qui ont le même nombre de pieds, qui se terminent par des syllabes semblables, etc. mais justement, ça consiste à répéter de deux manières différentes la même idée, la même pensée. Ou son contraire. Un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Ça, c'est typique, par exemple, de la poésie juive. Et toutes les prières juives jusqu'à ce jour, les prières du Sidour, eh bien, sont basées sur ce principe. La prière de notre Père n'échappe pas à cette règle. Et on trouve au centre de la prière du Notre Père cette demande. Que ton règne, Basileia, ou ton royaume, on peut traduire des deux manières comme on l'a vu, que ton royaume vienne. Donc ça c'est l'attente, c'était l'attente du peuple d'Israël. Et deuxième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que c'est que le royaume, le règne de Dieu? Eh bien, c'est la situation qui sera celle où la volonté de Dieu s'accomplira sur la terre exactement comme elle s'accomplit dans le ciel. Pour l'heure, ça n'est pas ainsi. Ça n'est pas ainsi parce que, on le sait, est intervenue la chute, le péché, la rébellion de l'homme. Et s'il est vrai que le ciel est l'endroit où s'accomplit la volonté de Dieu de la manière la plus parfaite qui soit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et à l'instant même, il y a de la lumière. Dieu dit à un ange, fais ceci, et immédiatement, il le fait, sans hésitation, sans murmure, sans opposition. Il n'y a strictement aucun obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans le ciel. Et c'est pourquoi ? Parce que la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, est toujours bonne et agréable et parfaite. Eh bien, c'est pourquoi le ciel est un endroit de paix, de joie et de bonheur. Malheureusement, il n'en est pas ainsi sur la terre. Depuis le péché de l'homme, eh bien, la volonté du Seigneur, oui, s'accomplit sur la terre. Parce que finalement, Dieu est malgré tout le souverain et ne se produit sur la terre que ce que Dieu permet. Mais ce que Dieu permet n'est pas toujours sa volonté parfaite. Parce que sur la terre, contrairement à ce qui se passe dans le ciel, il y a des oppositions à la volonté de Dieu. Il y a l'opposition du prince de ce monde et de ses anges, les démons. Et ça, Jésus, nous allons voir dans un instant, sera confronté avec les démons. Et puis, il y a l'opposition des hommes pécheurs qui ont pris le parti de Satan contre Dieu. Et c'est pourquoi, à l'inverse de ce qui se passe dans le ciel, la terre n'est pas un endroit où règne la joie, la paix, l'harmonie, mais où règne la souffrance, le péché, la guerre, la mort et tout son cortège. Parce que justement, la volonté du Seigneur ne s'y accomplit pas d'une manière parfaite. Bien sûr, nous l'avons vu, rien n'échappe sur la terre au contrôle de Dieu, à la volonté de Dieu, mais il y a bien des réalités que Dieu permet, la volonté de Dieu est permissive, et ce n'est pas encore sa volonté parfaite. Mais l'espérance du peuple d'Israël, c'est qu'un jour viendra où cette situation anormale, eh bien, disparaîtra, et où la volonté parfaite de Dieu s'accomplira sur la terre, comme elle s'accomplit à l'heure actuelle dans le ciel. Ça, c'est justement la notion du royaume, et c'est comme ça que Jésus considérait cette réalité. Alors, ce royaume, on peut dire qu'il est à la fois, il est d'abord une réalité spirituelle. Donc, c'est la révélation, la manifestation de la volonté de Dieu qui a été donnée au peuple d'Israël au travers de la Torah. Israël est le peuple de la Torah la vocation d'Israël, sa raison d'être, c'est d'être le témoin de cette Torah dans le monde entier, et bien entendu de s'y soumettre. Et ce faisant, la Torah, c'est cette volonté aussi de Dieu pour les hommes, le peuple d'Israël d'abord, et finalement l'humanité tout entière. Le problème, c'est que même Israël n'a pas pu se soumettre à la Torah, ce qui n'est pas pour Dieu une surprise. Et déjà par la bouche de Moïse, Dieu avait annoncé, avant même que le peuple d'Israël n'entre dans la terre promise, qu'Israël serait incapable de se soumettre à la Torah. Par conséquent, ici, nous vivons en quelque sorte dans une situation qui est un peu intenable. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de cette volonté exprimée dans la Torah, mais il se trouve que l'homme est incapable de se soumettre à cette Torah. L'homme est incapable de prendre sur lui le joug du royaume de Dieu. Alors nous sommes dans une impasse. Et c'est là qu'intervient justement l'intervention du Messie. Il y a une réalité qui est annoncée déjà dans l'histoire de l'Éden. C'est que s'il est vrai que ce monde est un monde qui est coupé de Dieu à cause du péché, eh bien, un individu, le fils de la femme, un jour écrasera la tête du serpent et accomplira ce que l'on appelle dans la tradition juive le tikkun olam, ça veut dire la réparation de la brisure du monde. Cette brisure sera réparée et justement l'homme retrouvera cette capacité qu'il a perdue de se soumettre à la volonté de Dieu, et finalement le monde retrouvera l'harmonie qui était la sienne, qui était le sien, la sienne lui avant la chute. Et c'est justement de cette manière-là que Jésus envisage son ministère. Il vient justement pour permettre cette manifestation du royaume de Dieu, qui est d'abord et avant toute chose, effectivement, quelque chose qui doit toucher le cœur des hommes. Il faut que le cœur soit changé, il faut que la nature humaine soit changée, il faut que la nature pécheresse et rebelle de l'homme soit changée, et à ce moment-là, eh bien, les conséquences se feront sentir au-delà, justement, du domaine spirituel. Et le royaume, très souvent dans le christianisme, on l'a réduit justement à cette dimension-là. Mais il va bien au-delà. Même s'il est vrai que c'est d'abord un royaume spirituel, c'est aussi ensuite un royaume, comment dirais-je, terrestre, un royaume politique. Alors c'est vrai que lorsque l'homme aura été ainsi transformé, eh bien, Israël d'abord, et le monde entier, ensuite, échapperont à tous les tyrans, à tous les suppôts de Satan qui dominent effectivement sur le monde. Et il y aura une révolution. Oui. La révolution qui sera justement la venue du royaume de Dieu. Ça sera une révolution absolument grandiose, mais dont Dieu sera l'auteur. Et encore une fois, non pas les hommes. Ça c'est absolument essentiel pour comprendre, parce que à la fois le royaume est un royaume qui est historique et en même temps au-delà de l'histoire. Il y a ces deux dimensions qui sont absolument inséparables et que nous retrouvons justement effectivement dans l'évangile. Les évangiles et notre évangile de Matthieu commence toujours par la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un curieux personnage dont on connaît d'ailleurs les antécédents par des sources qui sont en dehors du Nouveau Testament, en particulier dans les écrits d'un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph. Et Jean-Baptiste était un prophète. Le peuple le reconnaissait de cette manière-là. Et un prophète des derniers jours, un prophète apocalyptique, qui annonçait lui aussi l'imminence de la venue du royaume de Dieu. Et Jean-Baptiste avait déclenché un mouvement messianique extrêmement important au sein du peuple d'Israël à cette période-là. Mouvement messianique qui avait fini par inquiéter les Romains et auquel ils avaient mis fin en faisant décapiter Jean-Baptiste, pas un de leurs séides, un fils d'Hérode, qui était Hérode Antipas. Jean-Baptiste avait une conception du royaume très particulière. Et on retrouve par exemple dans les évangiles cette notion où il nous est dit ceci, « Il vient celui qui est plus puissant que moi, le Messie. » Il a toujours affirmé qu'il n'était pas le Messie, même s'il était un personnage messianique pour ses contemporains. Mais il n'était pas le Messie, mais il était celui qui préparait, qui ouvrait le chemin à la venue du Messie. Et parlant du Messie, il disait, donc il a son vin à la main, il nettoiera son air, il engrangera le blé dans les greniers, et la paille, il la brûlera dans un feu qui ne se consumera pas. Ça veut dire que Jean-Baptiste reprenait un petit peu le message des prophètes qui avaient été avant lui, et plus particulièrement de Daniel, qui envisageait le temps messianique comme le temps d'un grand tri, d'une grande séparation entre donc la paille et puis le bon grain. La paille, évidemment, c'était les méchants, le bon grain, c'était les justes. Autrement dit, cette venue du royaume pour Jean-Baptiste, venue qui était pour lui imminente, serait caractérisée par un grand jugement, une grande séparation entre les uns et les autres. En cela, d'ailleurs, Jean-Baptiste rejoignait quelque peu la notion qu'avaient les gens de Qumran, qui ont écrit les manuscrits de la mer morte, qui eux aussi vivaient dans cette attente de ce grand bouleversement, ce grand jugement qui allait venir, qui avait été annoncé notamment par Daniel, et qui séparait les justes des méchants, les fils de la lumière des fils des ténèbres. Ils avaient aussi des conceptions, évidemment qu'ils n'étaient pas celles de Jean-Baptiste, des conceptions quelque peu zélotes d'ailleurs. Il semblerait qu'il y ait eu des connexion assez étroite entre les Esséniens et les Zélotes, et notamment ils se préparaient à cette guerre apocalyptique qui manifesterait la venue du royaume au travers d'un entraînement militaire qui était un entraînement réel. C'était pas des exercices spirituels, c'était vraiment un entraînement militaire. Et un professeur de l'université de Jérusalem a fait sa thèse sur les tactiques de l'armée romaine à partir du rouleau de la guerre qu'on trouve à Qumran. Voyez-vous, c'est ce document qui nous décrit avec le plus de précision les tactiques de l'armée romaine, de la légion romaine. Donc il y avait cette idée de ce grand tri. Et maintenant justement, nous lisons dans toujours l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Bon, nous avons vu que les Romains s'étaient inquiétés de l'ampleur qu'avait pris le mouvement de Jean, et donc il était dans sa prison. Verset 2, Jean dans sa prison avait entendu parler des œuvres du Messie, il envoya dire à ses disciples, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre ?» Voilà. Alors ici, c'est très intéressant. Bon, d'abord ici, sur cette expression « celui qui vient », c'est une expression qui est tirée du psaume 118. où il est écrit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». En hébreu, ça se dit « Baruch Abba'a Beshem Adonai ». Abba'a, c'est considéré dans la tradition juive comme un des noms du Messie. Le Messie est celui qui vient. Vous retrouvez ça déjà aussi dans le livre du prophète Daniel. Donc, je vis venir sur les nuées quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme. Et vous retrouvez bien sûr ça dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse, il vient sur les nuées, etc. Bon, celui qui vient. Es-tu celui qui vient? Donc, c'est une manière de dire, es-tu le Messie? Ou devons-nous en attendre un autre? Pourquoi cette interrogation de Jean? Pourquoi ce doute? Lui qui a pourtant désigné Jésus comme le Messie au moment de son baptême, voilà qu'il se met à douter de lui. Pourquoi? Eh bien parce que pour Jean, Jésus n'accomplit pas véritablement le programme messianique tel que lui le considère. Et ce qui l'étonne, ce qui le déroute, Jean, c'est que Jésus, justement, ne fait pas ce grand tri. Et le message de Jésus, même pour les pharisiens, est parfaitement déroutant, parce que Jésus rend nul, en fin de compte, tout ce qui est la dignité humaine. Jésus ne fait plus aucune différence entre les justes et les méchants. Déjà, les pharisiens faisaient cette différence entre les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie, etc. Mais Jésus accueille les pécheurs. Il mange avec eux. Il est l'ami des publicains, de tous ces gens-là. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument déroutant pour les contemporains de Jésus. Et les contemporains de Jésus sont amenés aussi à s'interroger sur mais comment cet homme qui prétend être le Messie peut-il manger avec les pécheurs? Il devrait les juger. Il devrait justement faire cette grande séparation dont Jean-Baptiste a parlé, c'est-à-dire séparer la paille d'avec le bon grain. Mais Jésus fait l'inverse. Et il dit c'est la bonté de Dieu, ça. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et par conséquent, Jésus, en tout cas, ne fait strictement aucune différence entre les justes et les méchants. Il rend nul toute dignité humaine. Et finalement, le jugement n'est pas basé sur le fait que l'on soit juste ou que l'on soit méchant, mais sur la manière dont on accueille son évangile, dont on accueille ce qu'il est venu prêcher. Et nous allons voir que Jésus fait des miracles, et ces miracles, eh bien, ils sont un appel à la repentance. Ils sont un appel à la foi en lui. Et un peu plus loin, dans l'évangile de Matthieu, il y a ce texte où Jésus fait des reproches aux villes au sein desquelles il a fait le plus de miracles. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles avaient été faits, qui ont été faits au milieu de toi, l'avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, elle se serait repentie depuis longtemps en prenant le sac et la sang. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi l'avaient été faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Voyez-vous, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jésus donc fait des miracles. Et ces miracles sont une preuve que le royaume est imminent, que le royaume de Dieu s'est approché. Et quand on a été témoin de miracles semblables, eh bien il faut accueillir justement ce royaume sur soi, prendre le joug du royaume de Dieu. Mon joug est léger et mon fardeau est doux. Et voilà, ça ne correspond pas du tout à l'idéologie de Jean-Baptiste, ça. Alors il interroge Jésus. Et que fait Jésus? Il ne répond pas. Il fait, devant les envoyés de Jean, un certain nombre de miracles. Et ensuite, il leur dit, allez annoncer à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Nous avons un autre texte un peu plus loin, très intéressant, où Jésus guérit deux démoniaques. Et un certain nombre de ceux qui assistent à ce miracle disent « c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons ». Jésus, écoutez, réfléchissez un petit peu à la bêtise que vous venez de dire. Si je chasse les démons, donc les suppôts de Satan, par Belzébul, le prince des démons, ça veut dire tout simplement que Satan s'autodétruit. Il détruit son propre royaume. Vous pensez qu'il est assez stupide pour faire une chose pareille? Jamais il ne ferait une chose pareille. Donc, il n'y a qu'une seule solution, une seule réponse possible en face de ces miracles que je fais. C'est que c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Et si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors, dit Jésus, c'est le signe que le royaume de Dieu est venu vers vous. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Expression d'abord, le doigt de Dieu. On a un texte parallèle dans Luc, et on a une différence. Il est question non plus du doigt de Dieu, mais de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu et le doigt de Dieu sont deux synonymes. Mais le doigt de Dieu, il fait allusion à un autre épisode du livre de l'Exode, dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est la confrontation entre Moïse et Aaron et les magiciens de l'Égypte. Vous vous souvenez que Moïse jette son bâton devant le Pharaon, lequel bâton devient un serpent, et les magiciens de l'Égypte font la même chose. Et leur bâton aussi devient un serpent. Moïse met sa main dans son sein, elle est lépreuse, il la remet, elle est guérie. Les magiciens font la même chose. Moïse change les eaux en sang, et les magiciens changent aussi l'eau en sang. Et ça continue comme ça. C'est une manière pour les magiciens de dire, il n'y a rien de miraculeux dans cette affaire. L'hébreu emploie l'expression Chartoumim, Chartoumim Mitzrayim, ce qui peut se traduire aussi par les techniciens de l'Égypte. Ça veut dire que les magiciens de l'Égypte sont en réalité des gens qui connaissent les techniques occultes très développées en Égypte et qui emploient ces techniques pour faire des prodiges. Donc, rien de miraculeux. Et c'est pour discréditer Moïse et Aaron aux yeux du Pharaon, ils imitent les miracles de Moïse, jusqu'au moment où intervient la plaie des poux. Et vous savez qu'à ce moment-là, les magiciens disent ceci, ça, cette fois-ci, on est dépassé par les événements. Ça, c'est le doigt de Dieu. Si, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Et cette expression que Jésus emploie, doigt de Dieu, est une allusion justement à cette parole des magiciens de l'Égypte, cette fois-ci, c'est le doigt de Dieu. Et Jésus dit à ceux qui l'accusent de chasser les démons par Belzébul, vous devriez au moins avoir cette même sagesse de ces magiciens de l'Égypte, de dire que c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Et si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors c'est le signe que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, c'est aussi un temps de la délivrance du peuple d'Israël. Or, les miracles que faisaient Moïse et Aaron en Égypte étaient des signes que la délivrance, et par conséquent le royaume de Dieu, dont il est question dans le chapitre 15 de l'Exode que nous avons parlé tout à l'heure, donc, était proche. Et c'était la venue du royaume de Dieu était imminente. C'était pas encore le royaume, bien sûr. Le peuple d'Israël continuait à être esclave, le peuple d'Israël continuait à être opprimé, mais le trône à chaque plaie qui s'abattait sur le pays d'Égypte, le trône de Pharaon chancelait un petit peu plus. Et nous avons un autre texte aussi dans Matthieu qui reprend un petit peu la même idée. C'est lorsque Jésus envoie ses disciples avec le pouvoir de chasser les démons. Et les disciples reviennent remplis de joie en disant « Seigneur, c'est formidable, les démons même nous sont soumis. » Et Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme dans un éclair. » Ça veut dire que le royaume de ce monde, qui est le royaume de Satan, eh bien, il est ébranlé. Il est en train de chanceler. Chaque fois que des démons sont chassés, chaque fois que des malades sont guéris, chaque fois que des aveugles voient, que des sourds entendent, comme le trône de Pharaon chancelait à chaque plaie, le trône de Satan, le prince de ce monde, est aussi ébranlé. Et par conséquent, c'est la preuve que le royaume est proche. Et donc ici, c'est la réponse qu'il fait à Jean-Baptiste. Allez dire ce que vous voyez. C'est le signe que le royaume de Dieu s'est approché. C'est le signe que le royaume de Dieu est quelque chose qui vient d'une manière absolument imminente. Et Jésus donc continue en disant à verset 6, à leur départ des envoyés de Jean, Jésus se mit à dire aux foules, à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes donc vous allé faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer le chemin devant toi. » En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez admettre, c'est lui, l'Élie, qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Là, nous avons un texte absolument essentiel, très difficile à traduire d'ailleurs, et très difficile à comprendre. La clé de ce passage se trouve dans un texte du livre du prophète Michée, au chapitre 2, on va le relire. Ici, Michée. Voilà. Chapitre 2. Verset 12. Assurément, je te rassemblerai tout entier au Jacob. Assurément, je te regrouperai, reste d'Israël. Je le réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un bruit surhumain. Celui qui fait la brèche monte devant eux. Ils font la brèche, passent la porte et en sortent. Le roi passe devant eux et l'Éternel est à leur tête. Et là donc, il faut essayer de retraduire ce texte en hébreu pour essayer justement de le comprendre. Nous avons un texte parallèle dans Luc qui est un petit peu différent. Qui nous dit ceci, en quelque sorte, le royaume de Dieu, il est à la porte, il est imminent, mais il n'est pas encore tout à fait là. Et c'est quelque chose qui doit connaître une espèce de maturation dans le temps. Mais déjà, ce qui se passe, c'est que nous avons ici un homme très spécial, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui n'est autre que cet envoyé de Dieu dont il est question justement dans le prophète Michée. Un homme qui a pour mission de faire une brèche Et ça, c'est une notion qu'on trouve aussi dans le livre de la Genèse, où il est question de Tamar, qui est une des ancêtres du Messie, qui va donner naissance à un individu qui s'appelle Pérets. Pérets, ça veut dire la brèche. Et ça veut dire que il y a entre le ciel, dans la conception juive, il y a entre le ciel et la terre, donc entre le royaume de ce monde et le royaume des cieux, un barrage. Quelque chose qui empêche tout contact entre le ciel et la terre. Le ciel est fermé à cause du péché de l'homme, et la prière de l'homme de Dieu est celle-ci: « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». Et dans la tradition juive, il y a cette idée qu'un jour viendra effectivement où ce barrage entre le ciel et la terre sera déchiré et que le Saint-Esprit descendra comme une inondation sur toute la terre, en quelque sorte, et le Saint-Esprit, eh bien, manifestera la venue du royaume de Dieu. Donc, il faudra qu'au début de cette période messianique, il y ait dans ce barrage entre le ciel et la terre, on appelle aussi en hébreu la rakia, l'étendue, une brèche. Qui est celui qui fait la brèche? Il va y avoir un individu qui a l'image d'Élie, devra faire une brèche dans cette rakia, dans ce barrage qui sépare le ciel et la terre. Et ce quelqu'un-là, c'est Jean-Baptiste. Or, justement, et Jésus ici manifeste à ceux qui l'écoutent que, de fait, c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Jean a fait la brèche, mais il n'est pas passé dans la brèche. Et il reste en deçà. Et c'est la raison pour laquelle il doute, parce qu'il n'a pas compris la mission de Jésus. Mais le roi passe, le roi, qui c'est le Messie, c'est Jésus. Lui, il franchit cette brèche qui a été ouverte par Jean-Baptiste, et il entraîne dans cette brèche ses disciples, ceux qui veulent déjà être les fils du royaume et prendre le joug du royaume. Et là donc nous avons deux textes complémentaires et différents. Celui de Luc nous dit ceci: cette brèche, pour le moment, en quelque sorte, elle est étroite. Et par conséquent, c'est pas facile de passer dans la brèche. Il faut se contorsionner, il faut se faire violence. Et par conséquent, seuls les violents, ceux qui se font violence à eux-mêmes, peuvent pénétrer dans le royaume de Dieu par cette brèche, qui pour l'heure est encore étroite. Et puis, nous avons la version de Matthieu, justement, celle qui nous intéresse ce soir, qui dit ceci: « Malchut Adonai poretzet » en hébreu. Et ça me prend Michée 2. Le royaume de Dieu a fait une brèche dans cette muraille qui séparait le ciel et la terre. Et vous savez, c'est comme dans un barrage, on pourrait prendre un barrage hydroélectrique, c'est effectivement quelque chose qui retient une grande quantité d'eau. Et ce barrage, il doit être constamment surveillé, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de fissures dans le barrage. Alors, on peut voir parfois une fissure qui semble insignifiante, avec un massif d'eau qui coule. Si on n'y prend pas garde, eh bien, cette brèche, elle va s'agrandir. S'agrandir peut-être même souterrainement sans qu'on s'en rende compte. Et puis un beau jour, eh bien, sans crier gare, c'est le barrage tout entier qui vole en éclats. Et l'eau se déverse en aval avec une force considérable. Vous avez entendu parler, bien sûr, de catastrophes de ce type-là qui ont eu lieu, qui ont eu lieu de temps en temps, quand des barrages sont comme ça emportés par les eaux. C'est à Fréjus. Oui, il y a eu à Fréjus, il y a des années de cela, il y a eu affaire de ce type-là. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une brèche qui a été faite par l'Esprit de Dieu dans le royaume. Et il y a déjà un mince filet d'eau qui coule, mais qui va en s'agrandissant. Ça veut dire qu'il y a un mouvement qui est en cours. Le royaume de Dieu vient comme un mouvement qui va en s'amplifiant, comme la brèche s'agrandit de plus en plus au fur et à mesure. C'est d'abord Jésus qui chasse les démons, qui guérit les malades, etc. Ensuite, il envoie les disciples avec ce même pouvoir et la brèche s'agrandit. Et puis ensuite, il va envoyer ses apôtres aux extrémités de la terre et c'est pareil, la brèche va s'agrandir. Alors, un jour viendra où cette brèche sera irréparable et où cette rakia, ce barrage entre le ciel et la terre, volera en éclats. Et ce jour-là, c'est celui que Jean-Baptiste attend. Ce sera la manifestation définitive du royaume de Dieu. Ce sera la grande révolution. Mais pour l'heure, on n'en est pas encore là. Pour l'heure, on en est encore à ce temps où il y a cette brèche qui a été faite. Et seulement, dit Jésus, il ne faut pas quand même s'imaginer que le diable va rester inactif en voyant son royaume être envahi par le royaume de Dieu. Évidemment, il va réagir. Comme des ingénieurs modernes, quand ils voient une brèche dans un barrage, vont le réparer pour justement qu'elle ne s'agrandisse pas. Satan va faire tout son possible pour colmater cette brèche. Et par conséquent, vous les disciples, dit Jésus, qui allez avoir pour mission de continuer ce que j'ai commencé, l'œuvre que j'ai commencé, l'œuvre de ce royaume. Et moi-même, Jésus, il ne faut pas s'attendre à ce que la venue du royaume, ça se fasse comme ça, facilement, paisiblement. Non. Le royaume va subir de grandes violences de la part de Satan et de la part de ses suppôts. Satan va faire tout ce qui est en son possible pour empêcher justement la venue du royaume de Dieu. Alors attendez-vous, vous les disciples, à des oppositions, à des persécutions. Mais le mouvement, il est irrésistible. Et Satan aura beau faire, finalement, malgré les apparences, eh bien, le royaume aura le dernier mot. Et Jésus donc continue ensuite, on l'a vu tout à l'heure, verset 20, « Alors il se mit à faire des reproches aux villes au sein desquelles avait eu la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, car c'est le miracle fait au milieu de toi, de vous l'avait été fait attirer à Sidon et en tant qu'elle se serait repentie avec le sable et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et subsisteraient encore aujourd'hui, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Et là, on voit justement ce que Jésus entend par cette vision du royaume. En face des miracles, eh bien, il faut recevoir cette certitude que la délivrance est proche. Et par conséquent, entrer dans ce mouvement, entrer dans cette dynamique du royaume. Mais malheureusement, le fait que ces villes, eh bien, se soient endurcies est déjà la preuve que Satan est à l'œuvre et qu'il use de violence pour empêcher la manifestation du royaume. Et dans un autre texte, Jésus aussi dira ceci, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour voir la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. » Voyez-vous ici, Jésus fait une différence, il dit, Jonas est venu à Ninive sans faire de miracle. Il avait une prédication qui était tout ce qu'il y avait de plus repoussante, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Et pourtant, il a eu du succès. Les hommes de Ninive se sont repentis. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jugement, eh bien, a été ôté dessus eux. Et aussi la reine du Midi, c'est la même chose. Et ici, dans ce pays qui attend justement cette manifestation du royaume de Dieu, eh bien, même en face de miracles, eh bien, il y a incrédulité, il y a rejet. Et Jésus donc ici annonce aussi effectivement, si cette bonne nouvelle du royaume est rejetée, alors il ne reste plus que l'attente du jugement. Ça, c'est le grand avertissement que Jésus donne. Il y a encore une petite parabole que Jésus emploie, qui est un petit peu la clé aussi de cette compréhension de ce qu'est le royaume de Dieu pour Jésus. C'est la parabole de l'homme fort. Jésus dit, s'il y a dans une ville un homme fort, qui garde tous ses biens, ses victimes, ses esclaves, etc., et il est tellement fort que jamais personne n'a réussi à le dompter. Par conséquent, il est le maître de tout ce qui est sous sa domination. Mais s'il vient quelqu'un de plus fort que lui, qui le nie et qui le dompte, alors il va piller ses biens et délivrer ses victimes. Ce texte est tiré d'une parole qu'on trouve dans Ésaïe 53, où il nous est dit ceci. Après donc le sacrifice du serviteur souffrant, il dit ceci, à cause de cela, je lui donnerai sa part avec les grands, et il pillera, il possédera le butin du puissant. Et l'interprétation des rabbins de ce texte était le suivant, le puissant c'est Satan. Et le Messie donc par son œuvre, eh bien, va mettre le puissant, il va le réduire à l'impuissance, et par conséquent, il va piller ses biens et délivrer ses esclaves. Et Jésus est ce plus puissant qui vient, qui lie Satan, il l'a fait, notamment au désert. Et là, donc, quand les aveugles voient, quand les sourds entendent, quand les boiteux marchent, eh bien, c'est la preuve que dès à présent, il y a des hommes et des femmes qui échappent au pouvoir de Satan. Parce que la possession démoniaque, la maladie, la cécité, la surdité et la mort même sont l'œuvre de Satan. Par conséquent, ceux qui échappent, ceux qui sont miraculeusement guéris par Jésus ou ses disciples à cause de cela, eh bien, échappent à ce royaume de Satan. C'est la preuve que Satan est déjà réduit à l'impuissance. C'est la preuve que quelqu'un de plus puissant que lui l'a réduit à l'impuissance et que par conséquent, ses victimes, ses esclaves, eh bien, sont mis en liberté. Et les malades guéris, les morts qui sont ressuscités et autres, n'est-ce pas, sont la preuve de cette impuissance à laquelle le puissant Satan se trouve être réduit. Maintenant, il nous reste un point très important à voir, c'est le royaume dans les paraboles. Et notamment, dans l'évangile de Matthieu, les paraboles sont appelées paraboles du royaume. Je serai assez court sur ce chapitre-là, parce que nous avons déjà eu une session où nous avons parlé des paraboles. Donc, je n'y reviendrai pas à fond, simplement pour resituer ce qu'est le royaume selon les paraboles. Nous avons vu justement cette question de Jean-Baptiste, es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? Parce que, apparemment, Jésus, pour Jean-Baptiste, comme pour les pharisiens, comme pour beaucoup en Israël, n'accomplit pas le programme messianique. Quel est le programme messianique? Eh bien, juger les méchants, et puis délivrer Israël, aussi bien évidemment spirituellement que politiquement. Jésus ne fait pas cela. Et finalement, aujourd'hui, c'est le problème qui divise juifs et chrétiens. Pour les juifs, ils disent, bah, vous dites que Jésus est le Messie, mais où est le monde rédimé? Comment sait-il qu'il y a encore la guerre, qu'il y a encore l'injustice, qu'il y a l'oppression des méchants? C'est la preuve que le royaume messianique n'est pas là. Et finalement, on arrive à cette même question. Jésus est-il celui qui devait venir, le Messie? Alors si on répond oui, on est chrétien. Si on répond non, on est juif. Et voyez-vous, on est ici au cœur de ce problème. Et c'est un problème. Comment Jésus, qui ne réalise pas ce royaume messianique, cette réalité d'un monde rédimé, peut-il être le Messie promis? Et les paraboles du royaume, l'on trouve notamment dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, ont pour but de répondre à cette question. Alors je citerai essentiellement trois de ces paraboles. La première, c'est la célèbre parabole du semeur, la plus célèbre de toutes les paraboles de Jésus. Bien, on a souvent tendance à évoquer le fait que il faut être un bon terrain, il faut être le quatrième terrain et recevoir, avoir le cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Bon, c'est pas faux, bien sûr. Mais c'est pas la pointe de la parabole, c'est pas ce que Jésus a voulu mettre en exergue dans ce... Il a voulu répondre à cette question, justement, qui était celle de Jean-Baptiste. Comment se fait-il que le royaume de Dieu ne se manifeste pas par justement ce triomphe définitif de Dieu et la manifestation de sa volonté parfaite sur la terre? Et Jésus va reprendre une notion qui est très répandue de son temps dans le judaïsme, l'idée des semailles et des moissons. Vous avez ça par exemple dans un psaume, le psaume 126, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient chargé d'allégresse quand il porte ses germes. Ça veut dire, dit Jésus, le royaume, il vient en deux temps. Il y a un temps de semaille et il y a un temps de moisson. Jésus va employer souvent des paraboles tirées justement de la vie agricole. La vie agricole, l'agriculture était une des ressources importantes de la Galilée de son temps. Et Jésus dit, c'est vrai, moi je suis ici dans ce temps comme celui qui sème. Sème quoi? La parole. Parole. Tu t'imagines que par la parole tu vas faire une révolution? Qu'est-ce que c'est la parole? Comme on dit, la parole s'envole, qu'est-ce qu'il en reste? Et finalement, cette parole de Jésus, oui, c'est vrai, elle peut paraître dérisoire, faible, sans impact. Mais il est en cela semblable à une semence. Quand vous avez de la semence dans les mains, c'est quoi? Vous l'achetez au vent, elle disparaît. Elle est mangée par les oiseaux. Elle est étouffée par les pierres et par les épines. Qu'est-ce qu'il en reste? C'est dérisoire. Qui pouvait imaginer que quelques graines, justement, de cette semence jetée dans de la bonne terre va ensuite porter des récoltes? Dans un autre texte, il dira, qu'est-ce que c'est la parole? C'est un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences. Or, quand on sème cette graine de sénévé dans de la bonne terre, elle va donner le plus grand de tous les arbres. C'est paradoxal. Et celui qui n'a pas l'expérience de cela va mépriser cette graine de sénévé. Et pourtant, dit Jésus, cette faible semence, elle a une telle puissance. Et même si, comme l'avons vu, le royaume de Dieu subit des violences, et ces violences, c'est que les oiseaux vont en manger une partie, les épines et les pierres vont en étouffer deux autres. Ça veut dire que les trois quarts de la semence sont perdus. Eh oui, on aura l'impression que l'œuvre de Jésus aboutit à une impasse, à un échec. Samoun, vous savez, le fameux gourou de la secte du même nom, c'est la conclusion à laquelle il était arrivé. Jésus a échoué. Moi, je vais réussir, disait Moon, ou Jésus a échoué. Eh bien oui, on pourra penser, dit Jésus, que finalement, quand je serai parti, ma mission a été un échec. Mais attention, il suffit qu'un tout petit peu de cette semence tombe dans la bonne terre. Et au jour de la moisson, ce sera une moisson énorme, immense, inimaginable. Et ça, ce sera le deuxième temps. Dans une autre petite parabole que l'on trouve chez Marc uniquement, Jésus dit ceci, il y a en fait compte trois temps. Le temps des semailles, et puis un temps où apparemment rien ne se passe. La semence est dans la terre. Et l'agriculteur, il peut venir tous les matins voir et rien ne changer. Ça peut durer des semaines, des mois, puis un jour une petite tige. Et puis cette tige grandit. Et puis arrive l'été et la moisson est mûre, on y met la faucille. C'est le troisième temps. Et le royaume de Dieu, il vient de cette manière-là. Il y a un premier temps, qui est le temps de la première venue de Jésus, où Jésus se contente d'être le semeur qui sème la semence. Il sème la parole. Et cette parole, aussi dérisoire qu'elle puisse paraître, elle a une telle puissance qu'elle subsistera. Puis l'époux va partir, il va être enlevé. Et à ce moment-là, bien, il restera quoi? Un long temps où apparemment rien ne se passera. Où les choses resteront en état. Et où on aura l'impression finalement que, oui, l'œuvre de Jésus, sa mission était un échec. Et puis, un jour, le troisième temps viendra. Ce sera le temps de la moisson. Et le temps de la moisson, dans la tradition juive, c'est deux choses. Le temps de la joie. Si le temps des semailles, c'est un temps de larmes, parce qu'effectivement, le royaume de Dieu, à cette période, subit des violences énormes. Mais quand viendra la moisson, ce sera le temps de la joie. Donc, la plénitude du royaume. Et ce sera le temps aussi du jugement, de la séparation entre le bon grain, entre la paille et puis le bon grain. Ça, c'est la première parabole. Deuxième parabole, le bon grain est livré, justement. Et là aussi, Jésus répond à une question qui est finalement la question des zélotes, la mise aux questions des zélotes. Mais comment se fait-il que toi, qui te dis le Messie, tu tolères la coexistence du bien et du mal dans la société d'Israël et dans le monde? Si tu es le Messie, tu devrais faire le tri. C'est ce qu'a annoncé le prophète Daniel. Et c'est ce qu'a annoncé Jean-Baptiste aussi. Il a son vin à la main, il engrangera le blé dans les greniers, etc. Et Jésus répond à cette question par la parabole du bon grain et de l'ivraie. Il dit, si on arrachait l'ivraie dès maintenant, eh bien, on empêche le bon grain aussi de croître. On empêche notamment le pécheur de se repentir. Et ce temps est un temps de la patience de Dieu, où à la fois le Fils de l'homme, le Messie, a semé le bon grain dans le champ du monde, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, le diable a réagi, et il a aussi semé ces gens. Et les deux réalités vont croître ensemble. Et il viendra un temps, dit Jésus, ça c'est, il reprend ce qu'ont dit les prophètes avant lui, il viendra un temps où le mystère de l'iniquité atteindra sa plénitude. L'ivraie arrivera à maturité, ça veut dire la terre sera remplie du mal. Et ça, ce sera paradoxal, parce que c'est par contre ça que vient le royaume. Mais le mystère du royaume aussi arrivera à maturité en même temps. Alors on dira, oui, mais alors est-ce qu'il y aura, comme on le dit aujourd'hui, un grand réveil? Non, je vais vous dire simplement qu'à ce moment-là, l'évangile aura atteint les extrémités de la terre. ce qui est le cas. Et à ce moment-là, effectivement, quand les deux mystères seront arrivés ensemble à maturité, on y mettra la faucille, et ce sera le grand tri, ce sera le grand jugement. Troisième parabole, et dernière, et je m'arrêterai là pour ce soir, c'est la parabole du filet. Le filet qui est en fait, je l'appelle la Seine, c'est un filet très spécial, c'est un filet qui peut faire jusqu'à 300 mètres de long, rectangulaire, avec des flotteurs en haut et des lestes en bas. Il est replié en accordéon sur le bateau, et il est manœuvré par deux équipes. Une équipe qui reste à terre, qui le tient vertical par un mât qui se trouve à l'intérieur, et le bateau s'éloigne perpendiculairement à la côte en mouillant le filet derrière lui. Et quand le filet est complètement déployé, le bateau fait un 90 degrés, comme le bâton d'une porte, et il revient sur le rivage en tirant le filet derrière lui. Et pendant toute cette manœuvre, évidemment, le filet, eh bien, il ramène tout ce qu'il trouve. Toutes sortes de choses. Et Jésus dit du bon et du mauvais poisson. Qu'est-ce que ça veut dire du bon et du mauvais poisson? Ça veut dire que pour des juifs, vous savez, il y a des poissons que nous n'avons pas le droit de manger, qui ne sont pas cachers, parce qu'ils n'ont pas d'écailles et ils n'ont pas de nageoire. Or, il y a dans le lac de Tibériade un poisson qui est excellent, mais qui est sans écailles et sans nageoire, c'est le poisson chat. Et encore aujourd'hui, quand les pêcheurs ramènent les filets sur la terre, eh bien, on rejette les poissons chats à la mer et on garde les autres. Et voyez-vous, l'image est tout à fait parlante. Ça veut dire, Jésus est comme celui qui a jeté le filet dans la mer. C'est sa parole. Ça, c'est le premier temps du royaume. Et cette parole va être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et elle va ramasser dans ce filet toutes sortes de gens. Cette parole s'adresse à tous, les bons, les méchants, les publicains, les prostituées, les péagers, etc. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Et chacun réagit en fonction justement de ce qu'il voit. Et il va devenir un bon ou un mauvais poisson. Mais au temps de la fin, le filet sera ramené à terre. Et comme les pêcheurs font le tri entre les bons et les mauvais poissons, les anges feront le tri entre les bons et les mauvais poissons. Ce sera le jugement et ce sera la venue du royaume. Alors voilà, je termine ici. Grosso modo, voilà ce qu'est le royaume de Dieu, ce qu'est le thème essentiel de l'évangile de Matthieu et par conséquent qui nous permet d'avoir cette vision globale de ce qu'est le message de Jésus au travers de cet évangile de Matthieu que l'on appelle pour cette raison l'évangile du royaume. Bien, on va avoir un petit quart d'heure de questions si vous voulez bien. Oui. Aujourd'hui, alors quand on parle du royaume de Dieu, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui par l'Église ou... Aujourd'hui, oui, aujourd'hui c'est la même chose. Nous avons à prendre sur nous le joug du royaume de Dieu. Ça veut dire accepter la volonté de Dieu, de nous soumettre à la volonté de Dieu dans notre vie. Celui qui se soumet à la volonté de Dieu, donc révélé dans la Torah et dans le Nouveau Testament, eh bien. Est déjà en quelque sorte un fils du royaume. Et il attend évidemment la deuxième partie de la manifestation de ce royaume, c'est-à-dire le temps de la moisson. Et en même temps, nous avons aussi à semer la semence jusqu'aux extrémités de la terre, pour que quand le temps viendra, eh bien, il y ait toute la terre qui soit moissonnée pour le royaume de Dieu, pour la manifestation donc de ce que nous appelons le millénium. Jean-Baptiste, pour lui, le royaume des cieux était proche. Pour Jésus aussi. Oui, mais ça fait quand même 2000 ans. Oui, mais encore une fois, Jésus, disons, Jean-Baptiste avait ouvert la brèche. Donc le royaume de Dieu était déjà là, bien que pas encore. C'est justement le paradoxe. Le royaume, il est là, déjà, et il n'est pas encore là. Et finalement, c'est aussi un peu la vocation de l'Église et d'Israël. L'Israël dit le royaume, il n'est pas encore là. Et l'Église dit qu'il est déjà là. Et les deux sont complémentaires. Vous voyez. Et ce faisant, donc, pour Jésus comme pour Jean-Baptiste, le royaume il était là maintenant. À condition justement que on entre dans cette brèche, on passe par cette brèche, ça veut dire que l'on accepte le jour du royaume de Dieu, ça veut dire la volonté de Dieu, que Dieu règne sur nos vies. C'est déjà un royaume. Si Dieu règne sur ma vie, c'est déjà le royaume de Dieu qui est là. Quoi. J'ai deux questions, Jean-Marc. Arrivé au pouls, si les magiciens ne peuvent plus rien faire, c'est parce que ça les atteint dans leur corps. C'est parce que ça les atteint dans leur corps. Non, c'est parce que leurs techniques occultes sont dépassées. Et bien pourquoi arriver au pouls? On ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est du pouls. Ça peut être du moustique, ça peut être des insectes qu'on traduit par poule, mais finalement on ne sait pas trop ce que c'est. Parce que curieusement, c'est la première fois que ça les atteint dans leur... Oui, peut-être aussi, mais c'est surtout parce que là, ils sont dépassés. Quoi. D'accord. Merci. Mais la deuxième question, mais les Juifs disent que les miracles, ce n'est pas du tout une position importante. Oui. Il y en a plein d'autres qui ont fait des miracles. Oui. Alors? Alors justement, ça c'est une réaction antichrétienne qui date des premiers siècles. C'était pas bon, il y avait déjà ça bien sûr un peu à l'époque de Jésus, si vous voulez. Et d'ailleurs Jésus dit, parlant de ceux qui chassent les démons, il dit bien si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Et on voit qu'à l'époque, dans le livre des Actes, il y avait aussi des exorcistes. Vous vous souvenez, les sept fils de Sheva, qui ont invoqué le nom de Paul. Mais ce que Jésus montre ici, un petit peu justement comme dans l'histoire des magiciens d'Égypte, c'est que lui, les miracles qu'il fait sont d'une autre nature. Ce n'est pas simplement par des techniques, mais c'est tout simplement, comme il le dit, par le doigt de Dieu, par l'Esprit de Dieu, Jésus agit sans technique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler absolument. Le surnaturel de Dieu est toujours sans technique. Le surnaturel de Satan est toujours avec des recettes, des techniques, des premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Jésus dit un mot, et puis le malade est guéri. Donc, ça, c'était quelque chose qui était spécifique à Jésus. Aujourd'hui, dans la religion juive, est-ce qu'ils attendent encore le royaume de Dieu, ou est-ce que pour eux c'est une religion de Dieu? Bien sûr. Écoutez-moi. Bien sûr. Ils l'expriment dans leur foi, dans leur expression. Oui, évidemment. Oui. Évidemment. Et donc c'est quoi pour eux? C'est le retour du Messie alors? Pour eux c'est la venue du Messie. Pour nous c'est le retour, pour eux c'est la venue. Mais ils ne croient pas à un Messie divin. Donc, pourquoi ils ne croient pas à l'Esprit divin terrestre? Ils croyaient qu'ils pensaient que c'était une personne humaine. Depuis qu'ils ont fait les chiffres, Jésus. Le Messie. Ah, alors attention, oui. Ah, il faut distinguer ce qui est aujourd'hui et ce qui était à l'époque de Jésus. En fait, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est ce que notre sœur a posé aussi, la question du miracle, c'est la même chose. Le judaïsme actuel n'est pas le judaïsme de l'époque de Jésus. Le judaïsme actuel, le judaïsme rabbinique, est une religion qui, comme le christianisme, est sortie du judaïsme de l'époque du deuxième temple. Et deux religions qui se sont développées en opposition l'une par rapport à l'autre. Et parce que justement, les chrétiens ont développé l'idée d'un messie divin, les juifs ont développé à cette période-là l'idée d'un messie, comme on dit en hébreu, qui soit uniquement basar et d'âme, ça veut dire de chair et de sang, un simple mot. Mais à l'époque de Jésus, il n'en était pas ainsi. Et je pourrais vous citer des nombreux textes rabbiniques qui nous disent que finalement le Messie est un personnage, par exemple le Philon d'Alexandrie disait cela, il disait nous les Juifs nous croyons en deux trônes, le trône de Dieu et le trône du Messie. Ça veut dire l'idée d'un Messie quasi divin en fait pour Philon. On a ça dans les livres d'Enoch, on a ça dans le Zohar, avec ce qu'on appelle Chazé Ashlosha, c'est-à-dire le mystère des trois, l'idée que Dieu a trois, comme on dit en hébreu, par soufim, trois faces. Et on pose la question, Comment l'unique peut-il être trois? Et la réponse est celle-ci. C'est un secret qui ne peut être révélé que par le Saint-Esprit. Et quand le Messie viendra, il expliquera ce mystère des trois, des Shoshas, Abraham Shoshas. Mais ça, évidemment, l'avènement du christianisme, la séparation entre le christianisme et le judaïsme, ça, les juifs ont mis de côté. Ce qu'on peut dire, actuellement, c'est que le judaïsme rabbinique est devenu une religion pratiquement non messianique. Ce n'est que depuis le retour d'Israël dans son pays qu'on redécouvre l'espérance de l'avenue du Messie. Oui, donc c'est pas, finalement, c'est pas si extraordinaire que ça. Pardon. Donc en fait, le royaume des cieux, il y croit, il n'arrive pas peut-être à l'imaginer. Non, c'est très vague chez eux. C'est très très vague. Il y a toutes sortes de conceptions différentes. Finalement, ils ne savent pas quoi. Ok. Par rapport au retour du Christ, quand Matthieu 24, 30 dit « Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. » Là, c'est les questions de l'enlèvement ou de l'avènement. C'est l'éternelle question. Ça, je crois qu'on est conditionné, nous les évangéliques, par cette idée qu'il y a deux retours de Jésus. En fait, il n'y en a qu'un seul. Et là, justement, c'est clair, le texte que vous citez est tout à fait net, n'est-ce pas? D'abord, il est dit au verset précédent, il enverra ses anges avec le chauffard retentissant, ils rassembleront les élus des quatre extrémités de la terre dans son royaume. Et donc, il vient sur le lieu du ciel à ce moment-là. Ce sont deux événements qui sont contemporains. Vous retrouvez ça dans les épîtres aux Thessaloniciens. Oui. Il n'y a pas de retour de Jésus, il n'y en a qu'un seul. Donc, ce n'est pas l'enlèvement. Là, Jésus fait allusion plutôt à son retour, mais l'enlèvement aura eu lieu juste avant. Et oui, tu verras ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire que le retour, c'est donc juste à la fin du millénium. Juste à la fin. Juste avant le millénium. Juste avant le millénium. Ah oui. Oui. J'ai dit une bêtise là. Oui, juste avant le millénium. Oui. J'ai écouté l'évangile de ce dimanche, puisque c'est l'évangile justement de la du retour du Christ, enfin du jugement dernier. Et parle bien dans le micro. Vous allez me dire si c'est bon. Si c'est pas testé les autres interprétations, on dit que parce que les apôtres demandent mais quand ça va arriver ça tout ça, hein, et ils disent ben, seul le Père le sait, le Fils ne le sait même pas. Voilà. Alors ça, bon, moi ça m'a beaucoup interrogé. Voilà, si vous avez quelque chose à. Je ne savais pas quand il était sur la terre, mais je pense qu'il sait maintenant. Ah ben. Si vous avez un scoop, c'est bien. Oui, moi j'ai été interpellé par ton image du barrage et le flot du Saint-Esprit qui coule, parce qu'on voit pas mal de choses autour de nous en ce moment, on voit des guérisons aussi, on voit pas mal de réveils. Et alors justement, ces vagues de réveil comme l'Esprit de Toronto, est-ce qu'il y a quelque chose c'est des manifestations du royaume de Dieu, mais on a l'impression que c'est des vagues et je trouve pas la correspondance dans ce que tu as dit. Jésus n'a pas donné de détails sur la manière dont ça viendrait. Il a simplement dit que ce sont les signes du royaume, donc les aveugles de voix, les boîtes de marche, les sourds-entendre, etc. Et voilà, c'est les signes du royaume. D'accord, ça se manifeste alors là. C'est complexe, ça se manifeste dans différents endroits à certains moments. Pourquoi ça a commencé par l'Europe, pourquoi puis après ça s'est répandu ailleurs, etc. C'est le mystère de Dieu, ça on ne peut pas savoir. Alors c'est pareil, oui, il y a des temps, des temps fixés par Dieu, mais ça c'est le mystère de Dieu. Dieu est souverain, il est le maître dans la manière de de manifester ce genre de choses. Quoi. Mmh. Ouais. Tu as entendu parler aussi de sons célestes qui s'entendent à différents endroits du monde. Je suis en train de lire un bouquin là, qui parle de ça. Je n'avais jamais entendu ça ailleurs. Ça m'a surpris. Moi, je méfie beaucoup. Première fois que j'entends ça. Il faut absolument que ces choses soient confirmées, parce que dans nos milieux évangéliques et charismatiques, on s'émerveille, on s'enthousiasme vite pour des choses qui sont souvent non fondées. Quoi. Je vois quand même l'histoire aussi d'ange avec des trompettes qui avaient été vues dans le ciel à Jérusalem. Mes enfants étaient là-bas, ils ont rien vu. Hein. J'avais une question sur le livre d'Enoch qu'on parle plusieurs fois. Oui. Est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce que tu en penses de ce livre d'Enoch? Est-ce que c'est un livre qui est par d'études puissantes, je pense, comme la Bible? C'est un livre qui n'est pas inspiré. Inspiré des prophètes, il n'est pas inspiré. Dieu. Il n'est pas inspiré. Inspiré de... Non, par l'Esprit de Dieu. Voilà. C'est un livre apocryphe. Maintenant, il est intéressant à titre documentaire parce qu'il nous donne une idée de ce qu'était l'espérance messianique à l'époque où Jésus est venu. Et par exemple, ça nous explique ce qu'était la notion de fils de l'homme à laquelle Jésus se référait constamment. On retrouve ça aussi à Qumran, l'importance d'Enoch, l'importance de Malchisédek, etc. Bon, les livres d'Enoch étaient aussi connus et étudiés à Qumran. Ça faisait partie de leur bibliothèque, ça avait une place importante dans leur bibliothèque. Mais finalement, c'était jamais les rabbins officiels n'ont reconnu ces livres-là comme inspirés. Est-ce qu'il y a plusieurs traductions du livre d'Enoch ? Alors oui, effectivement. C'est-à-dire que les livres d'Enoch, à cause de cela, ont été perdus. Ça, on en a retrouvé simplement des fragments de Qumran. Mais finalement, ce sont les églises chrétiennes orientales qui les ont gardées. Et elles ont traduit dans leur langue. C'est ainsi qu'on a un Enoch éthiopien, on a un Enoch slave, on en a, je ne sais plus exactement encore. Et le livre d'Enoch, il n'est pas unique. On appelle les livres d'Enoch, il y a des différences d'une édition à l'autre. C'est toute une littérature qu'on appelle la littérature d'Enoch, qui est en relation d'ailleurs avec des apocryphes du même type qu'on retrouve aussi à Qumran, par exemple les livres des Jubilés, parce que là aussi on retrouve cette notion dans la littérature d'Enoch, et dans ce qu'on appelle les testaments des 12 patriarches, lesquels ont aussi été récupérés par des églises chrétiennes orientales. Et c'est par les églises chrétiennes orientales que ces livres nous sont parvenus. Ils faisaient partie de tout un ensemble qui, donc, tout ce mouvement apocalyptique qu'il y avait autour de ces livres-là, sans avoir été proche des Esséniens, sans se confondre tout à fait avec eux. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque du deuxième temple, à l'époque de Jésus, une multitude de, finalement, appelons ça des sectes si on veut, sans y mettre le sens péjoratif que ce mot a aujourd'hui, qui chacune avait, en quelque sorte, leur conception du temps messianique. Mais le livre d'Enoch, ça serait... Enoch, il faisait partie d'une secte. Non, Enoch, c'est un patriarche antédiluvien. Et si vous voulez, le propre de ces livres, et c'est une des raisons pour lesquelles je considère qu'ils ne sont pas inspirés, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle pseudépigraphiques. Ça veut dire qu'ils sont censés être écrits par le patriarche Enoch, mais en fait, on sait bien que c'est une fraude. C'est pas vrai. C'est un auteur anonyme qui a écrit sous le nom d'Enoch. On retrouve le même genre de choses, par exemple, avec des apocryphes chrétiens hors du Nouveau Testament. Par exemple, on a eu l'Apocalypse de Pierre, on a l'Évangile de Judas, on a des textes comme ça, qui sont pseudépigraphiques. Jamais Pierre n'a écrit l'Apocalypse, mais un anonyme a voulu passer ses idées en leur donnant l'autorité de Pierre. Et évidemment, s'il avait signé Apocalypse de M. Tartampion, ça aurait moins d'impact que s'il avait, que quand il a écrit Apocalypse de Pierre. C'est ça. Donc ça prend vraiment la légère. On ne peut pas les prendre comme un spirit. Ah oui, on ne peut pas. Là, on les merci beaucoup. Bien. J'ai des questions que vous en savez là. Oui, j'ai. Petite question sur Skype. Petite question sur Skype de Brandon. Sur le quand les pharisiens disent que Jésus chasse les démons par Belzébul, est-ce que l'on peut considérer ça comme un blasphème contre le Saint-Esprit? Tout à fait. Donc ça serait un péché sans pardon. Alors oui, parce que finalement c'est attribué à Satan ce qui est manifestement et ouvertement l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Donc c'est faire preuve d'une mauvaise foi totale.